Je vais avoir le plaisir de vous interpréter quelques chansonnettes dont je suis l'auteur. En voici une intitulée La femme fatale. Chanson de Wampe. Dans un bar très bien fréquenté où j'avais commandé un thé, levant les yeux, que dis-je adieu ? Une femme dont les regards vous percent le cœur comme un dard qui sans tarder m'a regardé. Alors ce fut comme un vertige, mon cerveau a fait la voltige. Sous mon gilet tout tourmenté, je sentis mon cœur culbuter. Je compris que mon âme était prise, je vis que j'étais sous son emprise. Et je suis resté figé comme une mouche dans du Sensengum. Ça c'est encore une femme fatale, comme celle qu'on voit au cinéma. Une créature animale, qui vous retourne du haut en bas. Quand on l'a vu, tout embourbu, on a le frisson de la nuque au talon. C'est le type de l'horizontale, mais qui sait se tenir verticale. Ça, c'est encore une femme fatale, comme celle qu'on voit au cinéma. Il y a un regard, je prends la porte aussitôt, je saute en première dans le métro, là contre moi, c'est elle que je vois, le compartiment était plein, je la sentais me frôlant les reins, me regardant d'un œil ardent, je me retourne et houilloui, je sens son journal qui me chatouille, et puis sans avoir l'air de rien, elle pose son pied sur le mien, je suis si ému que je m'affaisse, elle me prend dans ses bras, me presse, et pour que je redevienne lucide, elle me mordille la carotide, oh oh. Ça c'est encore une femme fatale, comme celle qu'on voit au cinéma. Oh, une créature animale, qui vous retourne du haut en bas. Quand on l'a vu, tout embourbu, on a le frisson de la nuque au talon. C'est la poule sexapilale, et un peu cérébrospinale. Je vous dis que c'est une femme fatale, comme celle qu'on voit au cinéma. Oh, et ce regard, toujours ce regard. Elle m'entraîne dans un bar tout près, elle s'assied sur un tabouret. J'étais plus bas, j'en revenais pas. Et comme ses jambes, elle les croisait, je peux pas vous dire tout ce que je voyais. Ah, ce regard, quel coup de poignard. On aurait dit Greta Garbo, avec la bouche à Moreno. Un peu de Marlène Dietrich aussi, et les fesses à Madeleine Guitté. Je restais muet, elle restait muette. Soudain, elle m'empoigne par l'alouette, m'entraîne chez elle sur un pouf, et me prend, avant que j'aie pu dire ouf. Ça, c'est encore une femme fatale, comme celle qu'on voit au cinéma. Oh, oh, une créature animale, qui vous retourne du haut en bas. Quand on l'a vu, tout embourbu, on l'a dans le dos, comme un col de grelot. Elle m'a mordu les amygdales, le bas de la colonne vertébrale. J'avais trouvé la femme fatale, celle qu'on présente au cinéma. Oh.